Nouveauté Fun Radio. Fun. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son dance floor. Vous écoutez Fun Radio et on démarre la journée ensemble. Fun. Il est 6h, soyez les bienvenus, on s'informe en ce jeudi 4 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La taxe kilométrique aurait rapporté près de 140 millions d'euros en 4 mois selon l'administration fiscale flamande. Depuis le 1er avril, les trois régions du pays sont soumises à un prélèvement kilométrique qui concerne essentiellement les poids lourds. L'administration flamande avait annoncé que des amendes avaient été infligées aux camionneurs pour le montant d'1,7 million d'euros. En Wallonie, c'est 202 amendes qui ont été délivrées. À l'étranger, la Grèce est de plus en plus ciblée par les demandeurs d'asile. Dans les 5 premiers mois de l'année, 13 583 demandes ont été déposées. Seulement 677 ont été acceptées. Un nombre qui devrait continuer d'augmenter dans les prochains mois suite à la procédure dans ce domaine. Une procédure très lente en raison du manque de personnel et de récentes modifications dans la législation correspondante. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris hier soir. Une personne a perdu la vie dans le sinistre. Une explosion serait à l'origine de l'incendie qui a été rapidement maîtrisée par les pompiers. En sport, on connaît le nom du remplaçant de Marc Wilmots à la tête des Diables Rouges. La fédération belge a annoncé avoir désigné l'espagnol Roberto Martinez comme nouveau sélectionneur de notre équipe nationale. L'espagnol a déjà entraîné Everton où il y a croisé Romelu Lukaku et Kevin Miralas. Il sera officiellement présenté ce jeudi 4 août. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Les carabines que l'on trouve sur les stands de tir lors des fêtes foraines seraient déréglées. C'est le champion du monde de biathlon français Martin Fourcade qui a dévoilé l'information. Devenu récemment papa, il a annoncé lors d'une interview qu'il se rendrait bientôt sur les fêtes foraines. mais qu'il ne gagnerait certainement pas grand-chose au tir. C'est pourtant sa discipline principale, puisqu'il combine le tir à la carabine avec le ski de fond. Cette information ne devrait pas plaire à tous les forains. Fun, Fun Radio. Dans quelques secondes, côté Sun & Floor, c'est Michael Gray qui arrive. Ouais, c'est le matin, il y a 6 heures de... C'est unique, c'est ce que je vous cale aussi dans quelques secondes. Juste avant, Florence, qu'est-ce que tu as pour nous côté météo? Un temps sec avec de larges éclaircies sur tout le pays, des températures stationnaires comprises entre 19 et 21 degrés. Le Sun & Floor continue avec Imani sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My glow. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Je m'appelle Anto, on est ensemble jusqu'à 9h pour Summer Fun. Avec dans quelques secondes, côté sur Dance Floor, la bombe de Unique et Mercy. Le temps pour nous à 6h06 de souhaiter la bienvenue. Salut Coralie, comment ça va? Salut, bien ce matin? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien, quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver en ce jeudi matin. Toute l'équipe est au rendez-vous, Florence aux infos, Étienne à la réalisation. Et puis vous qui êtes de l'autre côté de la radio évidemment. On a plein de surprises pour vous Coralie, notamment des places pour partir à Walibi. On vous explique tout ça dans quelques instants. Juste avant, comme chaque jour, on démarre la journée avec l'éphéméride. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et aujourd'hui Coralie, nous sommes le jeudi 4 août 2016. Oui, et le 217e jour de l'année, 4e jour de la 31e semaine. Et nous souhaitons une bonne fête. Oui, au Jean-Marie, au Louane et au Vianney. Vianney, on s'en souvient, c'était ça, écoutez. Bonne bonne fête à vous les amis. Et puis en ce 4 août, on a aussi des stars qui sont nées. Exactement, dont Barack Obama. Ah, le président américain qu'on salue d'ailleurs, qui nous écoute ce matin certainement. Aussi Pascal Nègre, bon pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'ancien directeur général d'Universal Music France et un animateur radio. Un grand monsieur quoi. Voilà, et Louis Vuitton aussi. Un très grand monsieur également aussi, dont toi tu dois connaître pour... Bien sûr. Des réalisations, ses produits, etc. Il fait quoi, des sacs, c'est ça? Des sacs, des vêtements, plein d'autres choses. Eh bien écoute Coralie, on va leur souhaiter un bon anniversaire. Vous aussi d'ailleurs, vous avez envie de souhaiter votre anniversaire ou l'anniversaire d'un copain à l'antenne ici en direct sur Fun Radio ce matin? Bah c'est très simple, comment on s'inscrit? Bah par SMS au 3044, vous envoyez Anif tout simplement. Eh bien voilà, nous on vous rappelle, juste après, dans un instant, c'est Souffé Mi Amor qui arrive, on aura aussi Michael Gray. Juste avant, c'est Unique et merci, bon réveil, merci d'être sur Fun Radio. Party, all I am sexy. Watch them just to follow me. Have mercy. None of them no move me. Shy guy, yeah, me wanty. Only he can make me ivory. Fire, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Just la larme entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, t'as beau parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Oh, oh Lord, have mercy. The money, them in a party. The all of them sexy. Watch them just to follow me. Have mercy. None of them no move me. Shy guy, yeah, me wanty. Only he can make me ivory. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, t'as beau parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Fun Radio. 6h13 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Dans quelques secondes, c'est Souf et Mi Amor qui arrive. Où que vous soyez en Belgique, vous êtes sur Fun Radio et vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h avec Coralie. Aujourd'hui, plein de cadeaux à vous offrir, notamment des accès pour aller au parc Walibi. On vous offre vos 4 entrées pour aller à Walibi, 2 fois 4 entrées dans l'émission à 8h15 et 9h15. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez envoyer d'ores et déjà Pulsar par SMS 6322. On tirera au sort donc la première fois vers 8h15. Alors Walibi, c'est quoi? C'est évidemment un énorme parc d'attractions avec plein d'attractions différentes. On va installer dont le de Dalton Terror qui est très connu, où vous montez à plus de 70 mètres de hauteur et vous êtes lâché dans le vide alors que vous profitez tranquillement de la vue. Ça, l'idée c'est que tu es posé sur le fauteuil, tu te dis oh ça y est, ça s'arrête, tu profites de la vue et le temps que tu dises oh c'est beau, dès que tu dis beau, hop, on te lâche. Ouais, tu tombes, c'est fini, voilà, basta. Sinon il y a aussi le vampire, le loup-garou ou encore le cobra, je crois que ce sont les attractions quand même les plus connues. Maintenant il y a aussi des attractions pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de faire des attractions fortes. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et bien en tout cas nous c'est ce qu'on vous offre toute cette semaine. Très simple, vous envoyez Pulsar PULSAR au 6322 pour un euro le message. Et comme à chaque fois, vous retrouvez toutes les infos sur funradio.be. Dans un instant, on fera un tour du côté de l'horoscope du jour. On parlera également du sujet du stress. On en parle aujourd'hui. Quelles sont les clés pour voir la vie en rose? C'est ce qui arrive juste après Souffle et Mi Amor, 6h14 sur Fun. Ces gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. 6h17 sur Fun Radio, bon réveil. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Je vous cale un mes coups de cœur du moment. Galantis, Nomoni, c'est ce qui arrive dans quelques secondes sur Fun Radio. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et Coralie, comme chaque jour, tu as consulté les astres pour nous. On commence avec les béliers. C'est une bonne journée pour vous rapprocher des gens qui comptent vraiment pour vous. Les taureaux. Laissez-vous surprendre par l'être aimé. Les gémeaux à présent. Vous devriez prendre l'air et réfléchir un peu. Que se passe-t-il pour les cancers? Les beaux jours arrivent pour vous. Les lions. Essayez de maîtriser vos émotions. C'est important, les vierges. Encore quelques efforts, vous allez y arriver. Courage les vierges, les balances. C'est une journée remplie d'émotions qui vous attend. Allez les scorpions. Arrêtez de vous plaindre, tout va bien. Les capricornes. Ne soyez pas trop sûrs de vous. Les Verseaux. Si vous avez besoin de preuves d'amour, demandez-en. Les Verseaux. Ne foncez pas trop vite et gardez vos remarques pour vous. Et enfin les poissons. Quelque chose d'inattendu pourrait se produire, attention. Et puis on vous ouvre l'émission demain les amis. Vous avez envie de venir faire de la radio avec nous? Bah c'est possible parce qu'entre 8h et 9h, vous avez la parole dans l'émission ici en direct à l'avenue Télémac 33. Alors pour vous inscrire et venir profiter d'un petit déjeuner également, bah c'est très simple. Vous envoyez un petit mail à anto@funradio.be ou encore via la page Facebook de l'émission Summer Fun. On vous attend. Avant ça c'est Galantis et No Money sur Fun Radio. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. Sur Fun Radio, 6h21. Dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est Maten et Futuristic Polar Bears qui arrivent avec Café Del Mar. Avant Coralie, aujourd'hui on parle du stress. Car oui, on est tous et toutes stressés au fond de nous. Par exemple, mon plus gros stress, c'est comme la honte qui m'est arrivée ce week-end. C'est quand t'es dans un grand magasin ou un magasin quelconque, tu mets ta carte dans le banque contact et puis là tu te dis est-ce que j'ai assez d'argent pour payer? Moi c'est mon plus grand stress, après les examens évidemment. Toi, est-ce que tu as quelque chose qui te stresse dans la vie ou tu es complètement zen? Non, moi je suis assez zen, j'ai pas du tout, je suis pas stressé dans la vie en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je connais pas. Pourtant il y a des choses qui doivent te stresser, non? Bah pas vraiment en fait. Je me dis jamais, oh mon dieu, je suis stressé, ça va pas bien se passer, nanana. C'est toujours, je suis toujours assez tranquille quand je fais quelque chose. Je me dis déjà, c'est pour réussir, c'est mieux. Eh ben donc c'est quand même une bonne chance, je trouve, de pouvoir faire ça. En tout cas, vous, les amis, est-ce que vous avez des difficultés à voir la vie en rose? Parce que souvent, quand on est stressé, ben, on a du mal à voir la vie en rose, à transformer son stress négatif en positif. Donc, le stress négatif, c'est, par exemple, ici, on arrive à la radio, on est tellement stressé qu'on n'arrive pas à parler. Eh bien, le stress positif va nous permettre justement de nous motiver à parler correctement. Ça peut être ça. Aujourd'hui, j'ai les clés pour vous pour transformer votre stress négatif en positif. On va apprendre tout ça tout au long de l'émission jusqu'à 9h. Alors, restez bien avec nous. Et puis, Coralie, si nos auditeurs ont évidemment des petits trucs, des petites astuces, ou encore un petit programme sympa pour transformer son stress, comment ça se passe pour interagir avec nous? Il vous suffit d'envoyer un SMS au 3044, c'est 50 centimes par message, ou encore sur la page Facebook Summer Fun. Et puis on a aussi un Snapchat qui permet de voir un peu les coulisses de la radio. Oui, c'est Fleurus Radio, vous pouvez venir nous suivre, on va vous follow aussi, et vous pourrez voir tout ce qu'on fait pendant l'émission, après l'émission et nos week-ends. Par exemple, Coralie va prendre le Snapchat pendant l'émission, elle va filmer un peu tout ce qui se passe, Étienne qui fait des bêtises, Florence qui essaye de nous déconcentrer. Nous, quand on fait des choses hors antenne, on danse, on chante, vous voyez, c'est vraiment sympa. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur mon Snapchat Fleurus Radio dans quelques secondes. Et c'est Drake qui arrive côté son dancefloor. On aura également plein d'autres choses avec, bah, je sais pas, par exemple, on aura Cashmere, on aura aussi Big Ali et Watibé. Tu te souviens de ce titre? Oui. Watibé Ali. Ouais, qu'on a dansé, chanté sur ça. J'adore. C'est exceptionnel et c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. The best radio. My station. Fun Radio. Find table space to stay. Social graces bow your head, they're pricey. But you and I, we're pioneers. We make our own rules, our own room. No bias here. Let them sell what they are selling. There's no bias here. So gather all the rebels now. We'll rebel rouse and sing aloud. We don't care what they say. No way, no way. And we will leave the empty chairs to those who say we can't sit there. We'll find all by it mixed up, it's been my story, it's never switched up. Please fuck off, I don't need you by me. But if you search and you know where to find me, easy. I lose my balance on these eggshells, you tell me to tread. Find me wherever I am. Summer Fun. Loud. Vous écoutez Fun Radio et vous êtes dans Summer Fun. Welcome. Fun. Fun Radio. 6h29, on fait le tour de l'actu avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Le montant de la dotation déçoive certaines communes wallonnes. Les communes de la région pensaient recevoir un montant un peu plus élevé pour la période de 2016. Le Fonds des communes distribue les allocations sur base de différents critères. Lorsque les communes s'en écartent, elles sont tout simplement pénalisées. Le mouvement est encore limité, mais il va s'amplifier dans les prochaines années. À l'étranger, les vols ont repris dans la soirée à l'aéroport international de Dubaï. Un accident lors de l'atterrissage d'un Boeing 777-300 d'Emirates a été la cause d'une interruption pendant quelques heures du trafic aérien. Les 300 personnes à bord ont pu fuir les flammes. Une seule victime est à déplorer. Il s'agit d'un pompier décédé lors de l'intervention. Le président vénézuélien doit toujours faire face à de violentes contestations. Une manifestation contre la politique économique du gouvernement de Robert Mugabe a eu lieu hier. Les forces de l'ordre ont réprimé cette manifestation. Des centaines de manifestants s'étaient rassemblés dans la capitale. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à l'aide de coups de matraque, de canons à eau et de gaz lacrymogène. En sport, Anderlecht a été éliminé au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions hier soir. Les Mauves ont presté un mauvais match, au contraire des vice-champions de Russie. Rostov l'a emporté sur le score de 0-2. Tous les espoirs étaient pourtant permis pour les Belges après un bon partage 2-2 lors du match aller. Seul le club de Bruges représentera la Belgique dans la Ligue des Champions. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec ses enfants qui savent parfois communiquer dans les premières minutes de leur vie. Un papa a eu droit à un petit geste venu de sa fille. Après quelques minutes de vie, l'enfant posé sur la poitrine de sa mère a ouvert les yeux et fait un signe à son père. Elle voulait certainement rassurer son papa en lui faisant un geste, lui disant que tout allait bien. L'heureux papa a déjà posté une photo de l'enfant sur Imgur. Elle a été vue à plus de 7 millions de reprises. Dans un instant, côté sur Dance Floor, c'est le duo Bigali et Wattie B qui arrive avec le petit souvenir de Wattie Bigali. On aura aussi Cashmere Wildcard juste avant Florence. Côté météo, est-ce que tu as une belle journée à nous annoncer? Oui, un temps sec avec de larges éclaircies sur tout le pays, des températures stationnaires comprises entre 19 et 21 degrés. Summer Fun continue avec le son Dance Floor de Drag sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Baby, I like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like it so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking hold. 6h34 sur Fun Radio, merci d'être là. Cashmere Wildcard, c'est ce que je vous réserve dans un instant. Et juste avant, on parle du phénomène, ça a buzzé hier, Coralie, sur les réseaux sociaux, on a donc été obligé d'en parler ce matin. Instagram a lancé ses stories, un peu comme fait Snapchat, le principe, tu peux rappeler vite fait. Snapchat. Mais en fait, vous faites une photo, vous la publiez, elle sera disponible uniquement pendant 24 heures. À la différence d'Instagram qui ne met pas des stories instantanées, donc le principe c'est que vous allez continuer à pouvoir utiliser Instagram normalement, à poster vos photos, à échanger. Maintenant, on peut même envoyer des petits messages en conversation privée. Et maintenant, encore plus, vous avez sur votre interface des petites bulles au-dessus, avec bah, évidemment le nom de vos contacts et dessus. Vous pouvez retrouver des stories comme sur Snapchat. Alors ça c'est super intéressant. Est-ce que tu as... on a vu justement l'interface, c'est super canon. Ouais, elle est bien épurée. En fait, elle est très claire, elle est super jolie. Et je trouve que Instagram d'ailleurs a fait fort parce qu'il y a pas longtemps, ils ont d'ailleurs changé leur logo, ils ont refait leur application. Et cette nouvelle fonction Stories pour Instagram garde le même principe en fait, et ça reste aussi très joli. Il y a eu un long débat avec la mise à jour de Instagram, avec le logo, avec l'habillage. Moi, je trouve ça canon comme ça maintenant. Mais c'est parce que ça a un changement. Je pense que les gens doivent s'habituer. Mais maintenant, il est clair que c'est canon, que c'est très clair et qu'il y a rien. Enfin, c'est très facile à comprendre en fait. Et ben en tout cas, nous on a fait la mise à jour et tu es aussi fan. On adore. À tester en tout cas, on va pourquoi pas tester sur l'Instagram de Fun Radio Belgique. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Big Ali Watibé, c'est ce qui arrive. Coralie et moi, on adore. C'est un coup de cœur qu'on a tous et tout cartonné il y a quelques années. Watibé Big Ali, c'est ce que je vous cale. D'après Cashmere Wildcard, 6h35 sur Fun, bon réveil. Sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? On s'hypnotise comme la drogue inutile. un verre d'eau. Oh, gifle dans ta gueule si tu ne chantes pas. Oh, oh. Et s'il le faut, on crie comme Big Ali. Tu pourrais te faire mêler dans la petite allée. Big Black M, ramène-lui les mecs, mais ah, les Mick Miller. Mais laissez là-bas les petites mineurs. Oh my god, faut que je bosse encore. Je suis pas une star, j'ai pas mes disques d'or. On me dit d'adjou, non, j'ai jamais tu dors. J'ai pensé à le fou, je dormirai quand je serai. Wait a minute, man, hold back, give me hold that. What he had, I got the phone back, everybody knows that. Night boy, keep it tight, boy, night flight boy. D'adjou, won't you come sing some sweet boy. Avec la tête de tous les haineux dans mon putain de viseur. Oui je sais je fous la haine au terrain comme l'eau de la freezer. Dealer que nos 11 y tournent pas sur Deezer. Bizarre que Joey Star me répond pas sur Twitter. Swag champ, watch you stand. Fresh like Jay's in a poppy plant. Ain't no way you can stop the camp. Action man, fans raving red. W, I, T, E, B, E, G, I, L, E, we all the best, merci. On s'hypnotise comme la drogue, il est tout dans bleu. Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. Puncher, j'ai plus le time pour mon beef et vie. Que des singles phénoménaux. Pour te faire des hits, mon le one va pas mollo. Trop les crocs, vois mon empire. Si les titres et les crânes, on les empile. Toujours en marche vers les sommets. Ne dors pas, car l'oseille ici n'a jamais sommet. On s'hypnotise comme la drogue, il est tout dans bleu. Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. Pas le temps pour toi, l'ami, si tu racontes ton nom. Sur Fun Radio, 6h43. Dans un instant, côté sur Netflix, c'est Boosty et Feel Alone qui arrivent. Et c'est juste après ça. Un problème sur la route, Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et que se passe-t-il sur nos routes, Florence, ce matin à 6h43 à Bruxelles et en Wallonie? Bonne nouvelle pour Bruxelles et la Wallonie, aucun incident est à signaler sur nos routes. Bonne nouvelle par contre, prudence à vous évidemment, si vous êtes en direction du boulot ou encore en direction des vacances, vous apercevez quelque chose, ayez la fun, solidarité, faites-nous un petit message au 3044 pour 50 centimes le SMS pour qu'on puisse communiquer tout ça à la Fun Family ou encore via la page Facebook de l'émission. Dans un instant, c'est David Guetta et Zara Larsson que je vous cale côté sur Nancefloor. On aura aussi la grosse bombe, c'est une nouveauté, on était les premiers à vous jouer ici. C'est la collaboration Major Lazer, Justin Bieber et Mo sur Fun, à tout de suite. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksoun DJ Party Fun. This is a summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Music. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. A beauty you are, a beauty you are.

6h56 sur Fun Radio. Dans quelques secondes, on s'écoute l'hymne officiel de l'Euro 2016 qu'on connaît tous et qu'on adore. David Guetta, Zara Larsson, This One's For You, c'est ce qui arrive côté Stonehenge Floor. Le temps pour nous, Coralie, aujourd'hui de parler du stress. Car oui, on est tous et toutes stressés à part toi. Bon, apparemment, tu es quelqu'un de très pisse, très zen, comme ça. Quels sont tes secrets? Comment fais-tu pour pas être stressé au quotidien? Je sais pas, je me dis simplement que ça sert à rien déjà de stresser et que je ferai les choses beaucoup mieux, mais je ne le suis pas. Ça, c'est vrai, mais parfois tu contrôles pas. Par exemple, tu montes sur scène devant 100 000 personnes, exemple, ça n'arrive pas tous les jours. Là, t'as quand même un stress qui arrive, t'as la gerboulade, comme dirait Virginie. C'est pas forcément du stress non plus, tu vois, t'as le track parce que voilà, c'est quelque chose d'impressionnant. Maintenant, une fois que t'es sur scène, tu te dis bah voilà, il y a des gens devant toi. Mais moi, je me dis que je fais ça pour moi-même et qu'au final, j'ai pas besoin d'être stressé, quoi. On parle aujourd'hui des petites clés, des petits conseils pour avoir la vie en rose, pour transformer son stress en stress positif. On a eu quelques petites réactions par SMS et sur Facebook. Oui, il y a Ophélie qui nous dit il faut boire moins de café parce que comment veux-tu rester calme en ayant bu de la caféine? Toi d'ailleurs, tu bois beaucoup de café. Tu trouves ça vrai? Que c'est un excitant le café. Donc plus on est excité, plus on va peut-être stresser plus rapidement. Mais je pense que ça a tendance à stresser, ouais, à continuer le stress. Donc voilà. Sinon, il y a Benjamin qui nous dit faire du sport, ça nous défait du stress. C'est vrai qu'on peut se défouler peut-être après une bonne journée de boulot où t'as bien été busy par ton patron. Hop, tu vas te dépenser un peu à la salle de sport, why not? Bah oui, mais je pense que si, moi j'ai entendu que le sport c'est vraiment un truc super bon pour le stress et même pour la vie de tous les jours parce que ça te permet de vraiment te défouler, donc de refouler toute ta colère. Encore un petit dernier message sur Facebook peut-être. On nous dit ne jamais rien reporter à demain, sinon on va se stresser car on n'aura pas fait les choses à temps. Ah ça, moi je suis le spécialiste de ça, remettre tout en retard la veille et toujours reporter au lendemain pour à la fin arriver à la date. La dernière date, et se dit trop tard. Ouais, ça, c'est un petit conseil qu'on peut vous donner aussi. Faites les choses à l'avance, vous serez moins stressé dans la suite. Coralie, en tout cas, on parle du stress jusqu'à 9h. On peut donc commenter via les réseaux sociaux. Oui, sur la page Facebook Summer Fun ou par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et c'est justement sur cette page qu'on peut s'inscrire pour venir nous rendre visite demain dans l'émission. Oui, si vous souhaitez passer l'émission avec nous et profiter du petit déj gratos qui nous sera offert par la boulangerie L'Artisan à Forêt, vous pouvez d'ores et déjà envoyer un mail à anto@sunradio. Alors c'est A-N-T-O sans H, c'est important. @sunradio.be ou encore sur la page Facebook. Summer Fun. D'ailleurs, sur la page Facebook, on publie les coulisses de l'émission, des petits clap buzz, les liens de tous les trucs dont on parle, des concours aussi. Parce qu'aujourd'hui, attention, comme chaque jour à partir d'aujourd'hui, il y aura des petits concours. Aujourd'hui, on va vous offrir des places pour aller assister au spectacle de marionnettes liégeoises. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. C'est une petite culture qui se passe comme ça dans la cité ardente et c'est plutôt sympa. Tout ça et bien plus, c'est à découvrir sur la page Facebook de l'émission. Fun Radio. Fun. Avant ça, il est 6h59 sur Fun. On s'informe en ce jeudi 7 août 2016 avec Florence Vanneau. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Un immeuble a pris feu pendant la nuit à Saint-Gilles. Les pompiers ont dû utiliser la grande échelle afin de secourir les personnes coincées à l'intérieur. Aucune victime n'est à déplorer. L'incendie a rapidement pu être maîtrisé par les pompiers présents en nombre. À l'étranger, un second vaccin contre le virus Zika a été lancé par les autorités américaines. Le virus peut causer des malformations au fœtus. Zika se propage aux États-Unis et en Amérique latine en ce moment. 80 volontaires âgés entre 18 et 35 ans vont pouvoir expérimenter ce nouveau vaccin exploratoire. Il a été mis en place par l'Institut américain des allergies et maladies infectieuses. La première dose a été donnée ce mardi. 12 pays ont demandé à l'ONU d'enquêter sur des essais balistiques nord-coréens effectués ces derniers mois. Des sanctions ont été demandées par 10 membres du Conseil et par l'Australie et la Corée du Sud. Ils ont demandé d'étudier soigneusement les détails connus sur les 3 lancements de missiles lancés le 19 juillet dernier. Cette enquête pourrait permettre d'identifier des particuliers ou entités impliquées. La lettre envoyée demande de prendre des mesures appropriées. En sport, Ivan Santini quitte le Standard pour rejoindre le club de Caen. L'attaquant croate y a signé un contrat de 3 saisons. L'an dernier, Santini a inscrit 13 buts pour l'équipe liégeoise qu'il avait rejoint durant le mercato estival de 2015. Le coach du Standard avait annoncé un écrémage de son noyau pro. Santini est le premier à le subir. Son remplaçant devrait être le Belge Renaud Aymon. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et un avis de recherche pour le moins particulier qui a été lancé par la police de Waterloo. Le propriétaire d'une tortue a lancé un avis de disparition dans sa commune afin de la retrouver. La police a pour sa part lancé elle un avis de recherche concernant l'animal. Une enquête a été ouverte pour expliquer sa disparition. Selon les premiers éléments de celle-ci, il pourrait s'agir d'une fugue. Fun. Fun Radio. Dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est le belge Alex Jarmis qui arrive. On aura aussi Enrique Iglesias, DJ Snake ou encore Jennifer Lopez. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois? Un temps sec avec de larges éclaircies sur tout le pays, des températures stationnaires comprises entre 19 et 21 degrés. Le son dance floor continue dans Summer Fun avec David Guetta sur Fun Radio. Fun! Fun Radio! Fun Radio! Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun! Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio! Fun Radio! Suivez Fun Radio! Le son dance floor. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Vous êtes sur la route du boulot, des vacances, vous écoutez Fun Radio et dans un instant c'est Gilo que je vous cale sur Fun avec Ain't Your Mama. Soyez les bienvenus, il est 7h05, vous écoutez Summer Fun, toute l'équipe est en rendez-vous. Florence pour les infos, Etienne à l'arrière et puis Coralie, comment ça va bien? Ça va, ça va. Écoute, on commence la journée avec un petit tour du côté de l'éphémérie dans ce jeudi 4 août 2016. Oui, nous sommes le 217e jour de l'année, 4e jour de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Jean-Marie, Louane et Vianney. À Vianney, on se souvient, écoutez, c'était ça. panique, nous on est bien là. En tout cas, des anniversaires de stars aussi à souhaiter aujourd'hui. Oui, c'est l'anniversaire de Barack Obama. Ah, le grand président des États-Unis. Ah oui, de Pascal Nègre. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'ancien directeur général d'Universal Music France et un animateur radio. Et puis on a aussi Louis Vuitton. Exactement. Que toi tu connais très bien parce que tu es une fan de mode. Ah oui, totalement. Louis Vuitton, mais c'est pas très gratuit. Non, c'est un certain prix, c'est un grand couturier en même temps. Ah, ça c'est vrai. Attention, dans quelques instants sera le Club Buzz du jour. Coralie, aujourd'hui on parle piscine. Oui, et des gens qui ont eu des invités un peu spéciaux qui vidaient leur piscine à moitié. Et bien donc on va découvrir comment on peut vider une piscine en étant un invité un peu spécial. Ce sera à découvrir dans un instant, juste après Enrique Iglesias et Duel Corazon, DJ Snake et Middle. Et puis juste avant, on se fait plaisir avec Jennifer Lopez. C'est And Your Mama ce matin, 7h06. Vous êtes sur Fun Radio, welcome. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Causing problems. what's going through your head. The silence in the air felt like my soul froze. Am I just overthinking feelings I can't serve? This gut feeling I'm trying to get off me as I hope we find the missing pieces and just we could have sweep it under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Si on partait en Espagne, qu'on aurait dans la suite. Oh oui. Enrique Iglesias, Duele el Corazón, nous emmène directement là-bas dans la suite. J'ai une petite question pour toi ce matin, Coralie. Tu fais où tes courses en général? Au Deleuze et au Carrefour. Au Deleuze et au Carrefour. Moi j'adore par exemple Colruyt, très très grande entreprise. Ah, c'est vrai oui. que ça ressemble un peu à un entrepôt, mais pourtant, eh bien, les prix sont beaucoup moins chers, je vous le recommande. Eh bien aujourd'hui on va partir du côté de Leclerc. Je sais pas si tu connais le magasin oui, Leclerc. C'est une grande enseigne française. Et notre humoriste du matin, Fabien Feuillet, va justement eh bien, vouloir pousser le vice jusqu'à commander par téléphone. Écoutez. Fabien Feuillet. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi, je suis bien chez Leclerc? Oui, vous êtes. Fabien, Fabien Feuillet, j'appelle pour donner ma liste. La liste de courses, pour donner la liste de courses. Et donc on va découvrir évidemment l'extrait complet de Fabien Feuillet tout à l'heure aux alentours de 7h40. Dans quelques secondes, on part en direction de la Belgique. Là on vient ici avec Alec Jarmis, le DJ qui cartonne avec Sweet Afterglow. Juste avant, côté son dance floor, direction l'Espagne, on se met les doigts de pied en éventail sur la plage avec Enrique Iglesias et son titre Duele el Corazón. Bon réveil, 7h15, vous êtes sur Fun Radio. Welcome. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te beso. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Hasta que duela. con un beso. Yo quiero acabar ese sufrimiento. 7h18 sur Fun Radio, la journée démarre doucement mais sûrement avec Summer Fun avec dans quelques secondes Alec Jeremy, c'est Sweet Afterglow. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Juste avant, Coralie, bah c'est l'été, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se mettre les doigts de pied en éventail, de se mettre les doigts de pied dans l'eau, on va donc parler piscine ce matin. Et puis on va parler de touristes qui sont partis en Afrique du Sud pour visiter une réserve naturelle. Et en fait, ils ont loué une maison donc avec une piscine et chaque matin, ils trouvaient leur piscine à moitié vide. Donc j'imagine qu'ils ont eu des petits visiteurs. Exactement, les visiteurs sont assez étonnants étant donné qu'il s'agit d'un groupe d'éléphants assoiffés. Des éléphants qui vidaient la piscine. Exactement, ils s'en sont rendus compte parce qu'à un moment, lorsqu'ils se prélassaient au bord de la piscine, un troupeau d'éléphants donc, est venu près d'eux pour s'abreuver dans leur piscine. Mais en même temps, c'est compréhensible étant donné que c'est une grave période de sécheresse là-bas et qu'il y avait une température de 41 degrés à l'ombre. Donc l'idée, c'est que les gens, ils se réveillent, ils voient leur piscine avec un troupeau d'éléphants autour en train de pomper la flotte. Exactement. Bah c'est plutôt assez impressionnant. T'imagines, t'es en vacances, tu te lèves et puis tu vois des éléphants dans ton jardin. C'est assez bizarre quand même. C'est pas, ça doit pas être très courant. Ça peut être un peu assez drôle, mais bon, maintenant je suis pas sûr que ça leur plaise. Je pense pas qu'ils ont dû rigoler. Surtout à leur piscine. Ils ont pas dû rire sur le moment en tout cas. On va publier la vidéo dès maintenant parce que c'est une petite vidéo en plus sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Et donc peut-être que vous aussi, si vous avez des anecdotes originales, qui vous êtes arrivé en vacances, vous avez peut-être des éléphants qui sont venus dans votre jardin ou je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme animaux qui viennent en vacances. On rend visite des mouettes, des renards, des chats, pourquoi pas moi en vacances, j'ai toujours un chat qui vient me dire bonjour. Et bien dites-le nous par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. Coralie, on va appeler l'un ou l'une d'entre vous dans quelques instants pour souhaiter un bon anniversaire. Comment ça se passe? Comment on s'inscrit? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Comment bien manger quand... On adore les tomates. Eh ben, reste une journée en plein soleil sur la plage et tu seras servi. On vous conseille plutôt d'essayer les succulentes tomates en grappe de Lez. Toutes produites localement en Belgique, elles ont un goût exceptionnel et sont délicieusement juteuses. Et avec un prix pareil, plus besoin d'aller au soleil pour rougir. En effet, jusqu'au 10 août, les tomates en grappe en vrac de Lez sont à seulement 99 centimes le kilo. De Lez. Bien acheté, bien mangé. La plupart de nos AD Proxy Deleuze sont ouverts les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur deleuze.be. Ce week-end, vous allez en Ardennes? Oh, regarde là-bas! Oh, il est beau le chevreuil! Oh oui! Ou bien dans un bon restaurant? Il est bon le chevreuil, hein? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps. Du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Le son. Dance floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a word what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends. We don't take L's. We just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. My soul. jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. So far. When you're by my side. Ooh. Ooh. But when you're gone, the music. chanson. Je m'appelle Anto et on vous accompagne jusqu'à 9h dans Summer Fun sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Il est 7h30 sur Fun Radio. On s'informe comme toutes les demi-heures avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs accidents sont à signaler en ce moment, notamment sur le ring de Bruxelles. La bande de gauche est fermée à la circulation en direction du ring extérieur à hauteur de Vilvoorde. Autre accident à signaler en province du Hainaut. La bande de droite est bloquée sur la E19 entre Ville-sur-Aisne et Thieu en direction de Bruxelles. Et enfin en province de Liège, les conditions de conduite sont difficiles en raison d'un accident sur la A602 à hauteur de Chenet. À l'étranger, Cheryl Boone Isaac a été réélue à la présidence de l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma. C'est son 4e mandat à la tête de l'organisation qui décerne les Oscars. Une polémique sur son manque de diversité a secoué ces 2 dernières années la tête de l'Académie. Cette année, cette dernière s'est ouverte aux femmes, notamment des Afro-Américaines. L'institution fait face depuis plusieurs années à de vives critiques. Le manque de diversité dans ses rangs ainsi que les acteurs qui se voit décerner un Oscar est un des problèmes soulevés par l'Académie. Le chancelier autrichien a appelé l'Union européenne à cesser les pourparlers d'adhésion à la Turquie, une demande qui est arrivée alors qu'Ankara mène actuellement une purge d'ampleur à la suite d'un coup d'État manqué le 15 juillet dernier. Depuis que le président Recep Tayyip Erdogan a suggéré de rétablir la peine de mort, l'adhésion de la Turquie connaît quelques problèmes. Le chancelier souhaiterait que le sujet soit débattu le 16 septembre prochain. En sport, les JO de Rio ont déjà commencé pour les équipes de football féminin. Les premiers matchs ont eu lieu hier soir. Les JO seront officiellement ouverts ce vendredi pour une durée de 3 semaines. 4 matchs avaient lieu hier avec des premières victoires, celle de la Suède 1-0 face à l'Afrique du Sud et celle du Canada face à l'Australie. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec Kate Bailey, cette jeune Britannique qui, on peut le dire, est accro à la pole dance. La jeune femme qui attendait un heureux événement a préféré faire quelques exercices au lieu de se reposer. Le jour de son accouchement, elle a décidé de faire quelques mouvements de son sport favori entre 2 contractions. Une réaction particulière à quelques heures du plus beau jour de sa vie. La maman et le petit garçon se portent bien. On ne sait pas encore quand elle reprendra ses exercices. Fun Radio. Dans un instant, côté sur Dance Floor, c'est la bombe de Julian Peretta que je vous cale avec I Cry. Juste avant Florence, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce jeudi? Un temps sec avec de larges éclaircies sur tout le pays, des températures stationnaires comprises entre 19 et 21 degrés. Le son Dance Floor continue avec Koons dans Summer Fun sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun. Time.

thinking about my man tonight. Uh-huh. I ain't worried about my girl, alright? All you ladies with your man at home. The club is full of ballers and their pockets full grown. And all you fellas with your girl with her friends. Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Ladies with your man at home. The club is full of ballers and their pockets full grown. Que vous soyez en route, que vous soyez déjà au boulot, que vous soyez en voiture, dans votre lit, en train d'ouvrir tout doucement les yeux, vous êtes sur Fun Radio et dans un instant, c'est Julian Peretta et I Cry que je vous cale. Le temps pour nous d'accueillir Fabien Feuillèche-Coralie, le guest humoriste qu'on adore ici dans l'émission. Alors lui, il va nous parler aujourd'hui de faire les courses, parce que oui, tous les jours on fait les courses. Toi par exemple, tu vas chez... Deleuze et Carrefour. Moi j'adore aller chez Colruyt par exemple, qui est, c'est vrai, une grande enseigne qui permet de faire ses courses moins chères. Aujourd'hui, Fabien Feuillèche, il nous emmène en France, dans une grande surface qui s'appelle Leclerc, tu connais peut-être. Oui. Et justement, il va pousser le vice jusqu'à commander ses courses par téléphone. Écoutez. Fabien Feuillèche. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi, je suis bien chez Leclerc? Oui, vous êtes... Fabien, Fabien Feuillèche, j'appelle pour donner ma liste. Non, la liste de courses, pour donner la liste de courses. Donc il me faudrait deux boîtes de ravioli Buitoni. Attendez, attendez, stop, je vous arrête tout de suite, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Les ravioli Buitoni, vous savez les petites boîtes Non, ouais, ça je vois bien, non mais pourquoi vous m'appelez pour ça, je comprends pas. Bah c'est, je suis pas chez Leclerc. Ah non, non, vous êtes pas dans le magasin Leclerc. Non, non, vous tombez numéro, laissez tomber monsieur, laissez tomber. Y a plus de ravioli? Non, y a pas de ravioli, vous êtes pas chez le magasin Leclerc. Oui. Vous êtes chez monsieur Leclerc, donc n'insistez pas. Eh, hey, tata, apparemment, il n'y a plus de ravioli. Putain, mais il est con, quoi. Allô? Ouais, re-coucou, là, on était coupé, c'est Feuillèche, là. Non, c'est une blague ou quoi, là? Mais non, mais c'est pour les raviolis. N'insistez pas, c'est pas des raviolis, c'est pas la peine d'appeler. Alors, laissez tomber les raviolis, si je prends deux boîtes de fridans, recommandées par la santé bucco-dentaire. Il n'y a ni raviolis, ni fridans, c'est pas un magasin, ici, il faut le dire combien de fois. Et vous faites exprès, vous êtes con? Bah, comment ça, il n'y a plus de fridans non plus? Oh putain, mais c'est pas exprès en plus. Non? On l'a abouti. Oui, allô? Ouais, c'est toujours moi! Oh putain, va pas me lâcher lui. Ouais, bon, vous pouvez noter la commande? Ouais, ok. Je vais prendre la commande et comme ça on n'en parle plus. Ah, super. On va gagner du temps, c'est terminé. Je vous écoute. Alors, Attendez, je prends de quoi noter et voilà. Allez-y. Allez-y, donnez-moi le top. Allez, je vous écoute. J'attends le top. Top. Alors, je vais prendre des cahuètes. Ouais. Je vais prendre du PQ. Ouais. Triple épaisseur. Des quoi? Triple épaisseur. Ok. Et puis, sinon, vous faites des promos sur les bananes en ce moment? Sur les bananes? Ouais. Non. Bon, bah, mettez-en quand même. C'est bon, c'est tout? Ouais, allez-y, j'écoute. Quoi, alors des cahuètes, du PQ triple épaisseur et des bananes, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut? Super, vous pouvez me livrer? Oui, je vous livrerai bien, sans pas de problème. Bah, vous allez livrer où? Chez ta mère. Ah bah non, ça m'arrange pas, je préférerais chez Tata. Eh bah, pas de problème, on va livrer chez Tata, pas de problème. Tata? Bon, bah, Leclerc, ils vont livrer chez toi finalement, hein. Oh putain, la famille d'abrutis. Fabien, Feuillèche. Fabien, Feuillèche. Et vous faites exprès, vous êtes con? Bah, comment ça, il n'y a plus de fridans non plus? Oh putain, mais c'est pas exprès en plus. Non? On l'aboutit. Ce qui est bien, c'est que le gars a joué le jeu, c'est très rare en il tout cas. Il est terrible. Fabien Feuillèche, qu'on va retrouver évidemment demain aux alentours de 7h40. Dans quelques instants, Coralie, on appelle là en l'une d'entre vous pour vous souhaiter un bon anniversaire. Oui, mais vous souhaitez vous aussi qu'on souhaite un bon anniversaire à vous, à l'un de vos proches. Envoyez dès maintenant Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et ça arrive juste après ça. Par Toutatix, participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Reçois les pochettes avec les cartes des personnages de la BD par tranche d'achat de 20€ ou à l'achat de produits participants dans les supermarchés Matches Match, Louis Delhaize et dans les hypermarchés Cora. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. La radio de vos vacances. This is your station. C'est Fun. Fun Radio. C'est ça. Le son dance floor. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Yeah. I couldn't make make a truce, cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Sur Fun Radio, merci de vous rêver avec nous. Dans quelques secondes, on se fait plaisir avec Justin Timberlake. Pardon, et Can't Stop the Feeling. Le temps pour nous appeler là en l'une d'entre vous. Je crois que c'est Axel qu'on va appeler ce matin. Il a 23 ans aujourd'hui et il habite Jodogne. Ses amis qui nous ont envoyé un petit message, je crois que c'est Laetitia, par SMS au 3044 pour lui souhaiter un bon anniversaire. On espère qu'il va décrocher. 23 ans, c'est jeune, hein, ça va? Ouais, c'est jeune. C'est... Ouais, t'es encore limite un ado à 23 ans. Ouais, c'est ça. Un grand ado. Bon, on a presque cet âge-là, il faut quand même le dire aussi. Donc nous sommes encore des encore grands ados. Encore un peu de temps quand même. Axel, va-t-il nous répondre ce matin? Bienvenue. Ah, pas avec mon parent, on va lui laisser un message. Un anniversaire, ceci ça se fait. Ceci est la messagerie vocale de... Axel Nului. Salut Axel Nului. Veuillez laisser un message après le comme signal. Comme ça, si vous avez envie de lui envoyer un message. Merci sur Facebook pour lui souhaiter un bon anniversaire. Why not? Et salut Axel, c'est Antoine Fun Radio. Ce matin, on voulait se réunir pour te souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, que t'es tout bon pour l'année entière. 23 ans, ça se fête évidemment. Et puis tes amis t'ont inscrit par SMS au 3044. Et donc ce matin, on ne pouvait pas passer à côté du fait de te souhaiter un bon anniversaire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Et puis on se retrouve très très vite à l'écoute de Summer Fun, Axel. Vous aussi, vous avez envie bien de souhaiter un bon anniversaire à vos amis ou même souhaiter le vôtre ici en direct à la radio. Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Comment bien manger quand... On adore les tomates. Eh ben, reste une journée en plein soleil sur la plage et tu seras servi. On vous conseille plutôt d'essayer les succulentes tomates en grappe de Lez. Toutes produites localement en Belgique, elles ont un goût exceptionnel et sont délicieusement juteuses. Et avec un prix pareil, plus besoin d'aller au soleil pour rougir. En effet, jusqu'au 10 août, les tomates en grappe en vrac de Lez sont à seulement 99 centimes le kilo. De Lez. Acheter, bien manger. La plupart de nos AD Proxy Deleuze sont ouverts les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur deleuze.be. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Party Fun. This is our summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Le son dance floor. C'est Fun Radio. I'm rolling down the river. My worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love.

Dua Lipa qui arrive pour la suite, c'est le phénomène pop britannique du moment qui rafle tout sur son passage avec quand même presque 8 millions de vues au compteur sur YouTube avec ce titre Older Than Hell qu'on va s'écouter dans quelques secondes. Bon, c'est vrai qu'il faut dire qu'au-delà de ses 20 ans, la petite Dua Lipa, elle est bien entourée dans son équipe avec notamment les producteurs de Lana Del Rey ou encore Charli XCX. Je vous propose de l'écouter ce matin sur Fun Radio à 7h58. Voici Older Than Hell qu'on s'écoute si vous ne connaissez pas encore. Et c'est une théorie, ça passe maintenant tout le temps sur Fun Radio. Voici Dua Lipa. I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. I'll give you the pleasure of heaven. And I'll give it to you hotter than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven. And I'll give it to you hotter than hell. Et attention, on appelle là en l'une d'entre vous dans quelques secondes, Coralie. Oui, envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322. C'est 1€ par message pour tenter de repartir avec vos 4 entrées pour Walibi. Et c'est ce qu'on vous offre ce matin, 8h15 à 9h15. Alors dépêchez-vous. Pulsar par SMS au 6322 pour 1€ le message. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue. Fun Radio. Fun. Avant ça, les 8h01, debout tout le monde. On s'informe en ce jeudi 4 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. 6590 peines de travail ont été traitées par les maisons de justice francophones en 2015. Il s'agit du second record enregistré en Belgique. À Bruxelles, plus de 1000 dossiers ont été gérés. Les maisons de justice les plus sollicitées par le traitement des dossiers sont celles de Liège, Charleroi et Bruxelles. À l'étranger, une attaque au couteau a eu lieu hier dans le centre de Londres. Une femme a été tuée et au moins 6 personnes ont été blessés dans le Russell Square. La police n'exclut pas un acte terroriste. L'homme a pu être maîtrisé par les forces de l'ordre après avoir reçu une décharge de taser. Toutes les pistes sont actuellement ouvertes. Les agressions qui ont eu lieu contre les sympathisants du président vénézuélien Nicolas Maduro ont été dénoncées par l'opposition vénézuélienne. Il milite malgré tout pour la tenue d'un référendum contre le président en place. Les anticavistes du nom de l'ancien président Hugo Chavez ont obtenu ce lundi le feu vert de l'autorité pour entrer dans la dernière phase de ce processus. Ce dernier doit accélérer le processus et accentuer la pression sur le gouvernement en place. Les manifestations à l'appel de l'opposition en faveur du référendum ont été peu suivies à travers le pays. En sport, Tom Bonnen a remporté le critérium dernière Derny à Anvers hier soir. C'est la quatrième fois que le Belge décroche une victoire sur cette course. Il a devancé l'Italien Filippo Pozzato et les Belges Ilio Kees, Jasper Stuyven et Wout van Aert. Boden prendra sa retraite après Paris-Roubaix où il espère toujours remporter son cinquième pavé. Une petite information insolite pour terminer ces infos avec cet accident particulièrement violent qui a été filmé le 30 juillet dernier par un système de surveillance en Floride. Une voiture arrivant à vive allure a fait plusieurs tonneaux avant de prendre feu. Les passants, quelque peu choqués par ce qu'ils venaient de voir, ont secouru l'automobiliste. Il a été transporté à l'hôpital par précaution. La vidéo prouve la violence du choc et permet de se demander comment le conducteur est encore en vie. Fun Radio. Dans quelques secondes sur Fun Radio, c'est Jonas Blue et Perfect Strangers que joue KL. On aura aussi Amir et j'ai cherché le titre qui a représenté la France à l'Eurovision. Il cartonne et il arrive dans un instant. Juste avant, Florence, côté météo, est-ce qu'on va pouvoir sortir les shorts aujourd'hui? Oui, avec un temps sec et de larges éclaircies sur le pays, des températures stationnaires comprises entre 19 et 21 degrés. Summer Fun continue avec le son dance floor de Martin Solveig sur Fun Radio. Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun, c'est du son dance floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Sur Fun Radio, merci d'être là. Amir, j'ai cherché, c'est ce que je vous balance dans un instant. Juste avant Coralie, nous sommes le jeudi 4 août 2016. Oui, et 217e jour de l'année, 4e jour de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Jean-Marie, Louane et Vianney. Vianney, évidemment, qu'on connaît, des stars également qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Oui, Barack Obama, le président des États-Unis. Pascal Nègre, qui est l'ancien directeur général d'Universal Music France. Et qui est animateur, animateur radio aussi, bien sûr. Et ainsi que Louis Vuitton. Louis Vuitton, évidemment, qu'on connaît, que tu connais très bien, toi, Coralie. Oui. 8h08, c'est l'heure pour nous, évidemment, d'appeler l'un ou l'une d'entre vous pour vous souhaiter vos 4, pour vous offrir, pardon, vos 4 entrées pour Walibi. On a Jessica qui a 28 ans, qui habite Jemap. Salut Jessica. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien, et vous? Mais très très bien. Écoute, j'ai une petite question pour toi avant de commencer. Est-ce que tu as des choses comme ça dans la vie qui stressent, qui te stressent? Ah ben moi déjà rien que de passer par exemple à la radio, ben ça me stresse en fait. C'est vrai? Alors c'est très facile. Ouais, parce que c'est comme si on n'a pas l'habitude. Ne pense pas aux 100 000 personnes qu'il y a derrière, pense juste à nous qui sommes ici. Une petite discussion entre Merci, copains. Anto. En tout cas, avec plaisir. En tout cas, ce matin, moi j'ai une très bonne nouvelle pour toi, Jessica. Pour bien démarrer la journée, terminer la semaine et puis même entamer ce week-end, j'ai 4 entrées pour toi pour partir à Walibi. Bravo! Ouais, félicitations. Merci, c'est super. Et tu as le sourire, ça me fait super plaisir, Jessica. Est-ce que tu as peut-être un conseil à donner à nos auditeurs, puisqu'aujourd'hui on parle du stress? Est-ce que tu as un petit conseil pour se déstresser, justement pour voir la vie en rose? Bah écoute, c'est simple. Pas spécialement, mais je pense que déjà de rester soi-même, c'est déjà le principal en fait. C'est vrai, pas essayer de jouer quelqu'un, ça peut être vachement sympa. Merci beaucoup Jessica, et je t'embrasse du côté de Gemma, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Des bisous Jessica. Vous avez aussi envie de participer, tenter de remporter vos places pour Walibi, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer Pulsar par SMS 6322, c'est 1€ par message. Et dans quelques instants, c'est Samy qui nous rejoint avec les bons plans de l'été. On aura également Jonas Blue côté Sundance Floor, Milo, ainsi que Kelly, c'est Trick Me. Et puis juste avant, c'est la chanson qui a représenté la France à l'Eurovision. Amir, j'ai cherché, c'est ce que je vous balance maintenant. 8h09, soyez les bienvenus sur Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Jeu de mots super facile, vous avez cherché, vous nous avez trouvé, vous êtes sur Fun Radio et vous écoutez Summer Fun. Là on pourrait se mettre des coups de poing quand même. Jonas Blue, Perfect Strangers, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous accueillir Samy, notre chroniqueur bon plan. Comment ça va Samy? Salut Anto, salut à tous. Bah écoute, ça va bien. Alors tu vas parler avec nous ce matin d'une chose qu'on déteste tous et toutes, nous les ados, mais pourtant on doit y passer, c'est la seconde session. Exactement, c'est bientôt le début de la seconde session. Si vous êtes étudiant et que vous en avez une, j'ai quelques conseils et j'ai le secret pour réussir votre blocus. Et justement, tu vas encore mieux pouvoir nous en parler parce que tu en as une qui est plutôt corsée. Exactement, oui, plutôt corsée. J'ai quand même 5 petits examens à passer deux semaines, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler maintenant, voilà. Parce que c'est maintenant le 4 août qu'il faut s'y mettre, les amis, je parle pour moi aussi, et pas le 26 août à la une semaine des sessions. En tout cas, vous avez donc envie de parler de seconde session, vous avez pourquoi pas vous aussi des conseils à nous apporter ce matin, ça se passe par SMS au 3044. On va jouer ensemble, Coralie, pour repartir avec du cadeau. Oui, on va participer à jouer au Battle Fun. Si vous souhaitez participer, il vous suffira de reconnaître le titre qu'on va vous jouer, qui a été légèrement modifié par notre stagiaire Étienne. Et si vous le retrouvez, vous enverrez un SMS. J'ai pas bien compris comment ça se passe. Donc vous devez reconnaître l'artiste ou bien le titre qui va être diffusé maintenant. Et si vous reconnaissez, ça se passe par SMS au 3044. C'est un concours express. Écoutez bien. Vous la connaissez peut-être aussi sous le nom de Jilo. Écoutez, on va réécouter une deuxième fois. Elle cartonne pour le moment. Elle a toujours cartonné d'ailleurs. Allez, vous avez quelques minutes pour participer, tenter votre chance. Vous reconnaissez le titre de l'artiste ou encore le nom du chanteur. Vous envoyez tout ça dès maintenant par SMS au 3044. C'est pas que toi qui as du mal, Coralie, le matin, c'est bizarre. Hein, c'est le matin. Et c'est la vie, c'est comme ça. Dans quelques secondes, c'est Milo qui arrive sur Fun Radio. On aura aussi Jonas Blue et Perfect Strangers qui arrivent à 8h14. Et puis on continue à parler du stress. Vous avez des clés, vous avez des bons plans pour ne pas stresser, pour voir la vie en rose. J'attends vos réactions dès maintenant via la page Facebook de l'émission. Soyez bienvenus, vous écoutez Summer Fun. Voici Jonas Blue. Like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Pour démarrer la journée que d'écouter Fun Radio 8h17, soyez les bienvenus. Dans quelques secondes, c'est Milo qui arrive. Le temps pour nous de faire un détour du côté des bons plans de l'été, Samy. Et tu as d'ailleurs pour nous plein de conseils pour les étudiants parce qu'on est quand même déjà le 4 août. Exactement, la période de deuxième cesse approche à grands pas. Ouais. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud de temps en temps. Matin aujourd'hui. Voilà, et si vous voulez avoir une chance de réussir votre année, il faudrait quand même se motiver. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de travailler pendant l'été, il y a tellement de tentations, les barbecues, les sorties, mais... la plage, profiter du soleil. Les potes. Exactement, mais quand toi t'étudies par exemple et que tu vois des photos de tes potes en terrasse par exemple, c'est vrai que toi quand t'es sur ton cours de néerlandais c'est un peu démotivant. J'ai prévu une liste de conseils pour vous pour faciliter la réussite. Un des conseils peut-être les plus faciles pour moi c'est prendre des cours particuliers, non? Ouais, c'est vrai que parfois c'est cher mais il existe plusieurs moyens d'en trouver à prix raisonnable comme Superprof par exemple. Superprof, c'est un site internet, vous pouvez choisir parmi plein de cours, parmi plein de profs et c'est vraiment fait sur mesure pour vous. Donc c'est un vrai prof qui est derrière. Il y a plusieurs profs, il y a une liste de plein de profs et ça vous aide dans votre manière de travailler et c'est en fonction de votre budget aussi. Donc ça peut être pas mal comme projet. Mais oui, c'est vrai. Moi par exemple j'ai une prof de cours particulier mais c'est 25 boules l'heure et j'ai calculé une fois son salaire, elle se fait un deuxième plus de 1200 euros par mois en faisant ça parce que c'est une vraie machine. Ouais, c'est vrai. 3-4 élèves par jour, je l'embrasse d'ailleurs Véronique. Sinon c'est vrai parfois demander un ami aussi parce qu'il y a des amis qui sont compétents dans certains cours, qui sont même meilleurs que nous et ça coûte rien du tout. Tout à fait. Alors si vous avez des potes qui ont réussi leur première session, n'hésitez pas à leur demander, s'ils sont pas trop égoïstes, leur cours. Et surtout de les flatter un peu pour dire « Ah mais écoute, toi t'es intelligent, t'as réussi, pourquoi tu m'aiderais pas ?» Clin d'œil. Et surtout, ça vous rassurera et ça vous stressera moins pour les chapitres que vous n'avez pas, par exemple. Vous pouvez aussi... Par connaissance de cause. Exactement. Non, moi j'avais pas de chapitre du tout. Voilà. Facebook aide beaucoup à ça d'ailleurs maintenant, parce que tu vas plus du tout au cours. C'est vrai. Et puis tu prends les résumés des 2-3 intellos et les mets sur le groupe Facebook. C'est vrai que hyper facile. Ou au pire, tu n'es pas un branleur et tu vas au cours et tu suis. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi. Vous pouvez aussi travailler en groupe évidemment si c'est quelque chose qui vous convient. C'est difficile, je trouve. Parce que ça dépend. Il y a toujours une dérive. À un moment, tu mets de la musique, tu danses, tu bois, tu dis allez, on fait une pause, puis tu fais un cake. Voilà. Impossible. Bien sûr. Oui, mais tu fais quelque chose à manger, quoi. De toute façon, on le sait, de toute façon, c'est le mode de vie qu'il faut adapter. Oui, alors c'est important de dire que c'est pas parce que vous êtes en examen que vous pouvez pas sortir. Ou presque. Non, mais vous pouvez quand même sortir. Ça dépend quand. À partir du 4 août, il faut commencer à limiter. Oui, mais bon, vous pouvez aller boire un verre quand même, bouger un peu, pas vous foutre la pire tous les soirs quand même. Ça diminuera la pression. Et puis, pour le travail en lui-même, il y en a beaucoup qui disent je vais bosser 10 heures par jour. C'est pas forcément productif ni motivant. Donc, faites-vous plutôt des séances d'une heure intensive, plusieurs par jour quand même, sinon vous n'allez pas y arriver. C'est moi, je me dis ça à chaque fois. Parce que, effectivement, 10 heures, je peux pas supporter ça. Donc, je me dis allez, fais une heure, tu prends une heure. Voilà, c'est ça. Une heure de cours, une heure de série, une heure de cours, une heure de série. Ça peut être sympa. Évitez aussi les stories Snapchat avec hashtag blocus, sinon vous n'allez pas vous concentrer. Je sais pas si tu as ce problème là aussi. Moi par exemple, quand je suis en blocus, la meilleure chose qui fonctionne c'est la découverte des séries. Ouais, c'est vrai. C'est un truc fin mai, début juin, découvre plein de séries et je suis non-stop dessus. Du coup, tu travailles pas. Bah, c'est sûr, c'est ça. Apparemment, on est tous dans la même galère. Merci beaucoup, Samy, pour ces bons plans qu'on va publier dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Vous aussi, vous avez pour combien des conseils à nous offrir pour réussir notre deuxième session. Ça se passe par SMS au 3044. Voici Kélis, et 3 avec me sur Fun Radio. Showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you, you might trick me once, I won't let you trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. Said you might trick me once, me twice, no, might trick me once, I won't let you trick me twice, might trick me once, I won't let you trick me twice, no, might trick me once, I won't let you trick me twice, no, won't let you trick me twice, those days are old and overdone, and it's only cause I'm not with you that you make me number one, though I may love you. Inside, and now you no longer have to hide. I used to be down with the late night hit. Started getting heavy when I really wasn't ready. Used my past to get my mind, so I fell for your lines like all the time. Thought you were the shit to be playing around.

On s'informe comme toutes les demi-heures sur Fun Radio ce jeudi 4 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Orto, bonjour à toutes et à tous. Entre 2000 et 2015, le nombre d'indépendants a augmenté de 20%. Le montant a atteint 704 373 personnes l'an passé. Le nombre d'entreprises start-up a lui aussi bondi de 91%. Quant aux faillites, elles ont atteint les 51% sur la même période. Une hausse de 61% du contingent d'indépendants actifs après la pension est enregistrée sur cette quinzaine d'années. Et puis à l'étranger, pas de surprise pour le constructeur de voitures électriques Tesla Motor. Le groupe est resté dans le rouge au second trimestre. Les coûts nécessaires à l'augmentation de leur production est devenu trop important pour la société. Elle continue de mettre en vente ses modèles S et X, mais cela ne semble pas suffisant pour compenser ses coûts. Cela fait 13 trimestres que le groupe automobile enregistre des pertes de plus en plus importantes. La suppression des barrières douanières n'est pas envisagée en Argentine. Depuis l'arrivée au pouvoir du centre droit de Mauricio Macri, le pays a entrepris des réformes économiques. Le gouvernement a tenu à rassurer les entreprises en leur annonçant qu'elles auront le temps de gagner en compétitivité avant de libéraliser davantage les échanges commerciaux. Ces réformes impopulaires ont stimulé l'inflation et entamé le pouvoir d'achat des 41 millions d'Argentins. L'objectif est de résoudre le conflit sur sa dette extérieure avec des fonds vautours par les provinces et entreprises. En sport, les Red Lions sont fin prêts pour entamer les JO. Notre équipe de hockey a battu l'Allemagne sur le score de 3-2 dans le dernier match de préparation. Ils avaient déjà remporté le match contre le Canada sur le score de 7-1 jeudi dernier. Mardi, les Belges avaient été battus 1-3 par l'Argentine. Les Belges débuteront leur tournoi olympique samedi face à la Grande-Bretagne. Une petite information insolite avant de clôturer ce flash avec le député bourgmestre d'Anzy, Éric Thibault, qui s'est lancé un nouveau défi. Il a décidé de gravir les 71 Rocky Steps. L'homme actuellement en vacances a décidé de se mettre dans la peau de son idole, Rocky Balboa. Le député bourgmestre a souhaité rejouer une des scènes mythiques du second opus de la série. Il a posté la vidéo sur Facebook en moins de 2 minutes. On comptabilisait déjà 17 000 vues. Dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est Rice Treffy qui arrive avec son titre Bonne Bonne. On aura aussi Deoro et Elvis Crespo juste avant Florence. Côté météo, que se passe-t-il aujourd'hui? Un temps sec avec de larges éclaircies sur tout le pays, des températures stationnaires comprises entre 19 et 21 degrés. Le son dance floor continue sur Fun Radio avec le duo Calvin Harris et Rihanna. Fun Radio, jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Watching her, but she's looking at me. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Fun Radio, soyez les bienvenus dans quelques secondes. On se fait plaisir avec Era et Streffy et Bonne Bonne. Et c'est ce que je vous cale juste après Kevin qui a 26 ans et qui habite au Lué. Salut Kevin. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va, super. Eh bien écoute, merci de nous écouter ce matin. Tu as participé avec nous pour jouer au Battle Fun Express. On va réécouter l'extrait. Le principe était de retrouver eh bien, le nom de l'interprète. On écoute. Avec un indice gros comme un pays, on peut l'appeler également Gillo. Est-ce que tu as trouvé la bonne réponse? Oui, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez avec ouais. Ain't Your Mama, bonne réponse. Super. Elle a du cadeau à t'offrir aujourd'hui. Oui, on t'offre ton entrée pour la descente de la laisse. Que tu pourras y aller quand tu veux, quand tu le désires. Et voilà, c'est ton petit cadeau du jour. Bravo! Super. Merci Kevin d'avoir joué avec nous ce matin. On te retrouve très bientôt évidemment pour bien plein d'aventures dans Summer Fun. Je te fais des bisous Kevin. Merci, au revoir. Au revoir. Bisous. Vous savez pas quoi faire aujourd'hui en ce jeudi 4 août 2016, c'est l'idée de sortie. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie, on parle de spectacle. Oui, tout à fait, un spectacle du Cirque du Soleil. C'est une pièce de théâtre, non? De quoi oui. Ça parle, en gros? En fait, ça se passe sur une île gouvernée par des déesses. Et en fait, suite à une cérémonie du passage à l'âge adulte de la ouais. fille de la reine Prospera, celle-ci va provoquer une tempête. Et voilà, suite à ça, un groupe de jeunes hommes beaux, grands, forts vont débarquer sur l'île et la fille va tomber amoureuse évidemment d'un d'eux. Et ça se passe où? Ben, ça se passe à la gare de Knokke. Donc à Knokke en Flandre, combien ça coûte? Ça coûte, les billets sont à partir de 25€. Et puis j'imagine qu'on peut retrouver un site internet avec des infos. Oui, www.cirquedusoleil.com. Là on change complètement d'endroit, on revient ici en Wallonie et on parle des papillons. Oui, la SBL de Charleroi Nature vous propose la 4e édition de la journée des papillons. Ah ça peut être classe. Ah oui, vous pourrez venir recenser les différentes espèces se trouvant sur les sites de Marcinelle. Lors d'une balade, vous pourrez aussi en apprendre plus sur le monde des papillons lors d'une exposition. Mais ça peut être vachement sympa justement, parce qu'on ouais. sait pas grand chose sur les papillons au final. Oui évidemment, pour les plus petits, une activité bricolage est prévue. Vu ainsi que l'observation de plusieurs espèces pour pas qu'ils soient mis de côté. Alors ce qui est bien c'est que c'est gratuit. Oui tout à fait, c'est gratuit et ça se passe avenue des Muguets numéro 16 à 6001 Marcinelle. Un site internet, un Facebook, on peut retrouver des infos. www.chana.be. Merci beaucoup Coralie, dans quelques secondes on vous parle du théâtre des marionnettes de Liège. On aura en invité justement le montreur de ce théâtre. Il va nous parler avec nous de tout ce qui va se passer durant le mois d'août parce qu'il y aura beaucoup d'activités. Et j'aurai d'ailleurs des places à vous offrir pour aller bien voir ce spectacle de marionnettes à Liège. Tout ça et bien plus sera dans quelques instants, juste après Deoro et Elvis Crespo. Juste avant c'est Era Estrefi et Bonne Bonne sur Fanoui. 8h42, welcome. No yo me grabé por ya me autuado. No sé dónde. Es un vento. Son me voy por ti. Bun bun, Evanescence buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bun bun, Evanescence buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Can't get it, I just speak. Jakby się sam teraz się takisz. W drugu cię mam, który prisze prisz. C'est 8h45 sur Fun Radio. Julien me l'a demandé par SMS au 3044. Deo, Elvis Crespo, Bailar. C'est ce que je vous balance dans un instant. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Juste avant, une nouvelle idée de sortie qu'on vous propose aujourd'hui. On va accueillir Anthony qui est montreur au théâtre Marionnette de Liège. Salut Anthony. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ah bah écoutez, ça va super bien, aujourd'hui on a plein de soleil sur Liège, donc c'est une belle journée qui se profile. Ah bah en tout cas sur Liège, pas sur Bruxelles, ça c'est sûr. Anthony, tu es avec nous ce matin pour nous parler justement du théâtre des marionnettes, qui est, on peut le dire, un théâtre de tradition, puisqu'il existe depuis déjà 1931. Oui voilà, au musée de la Vie Wallonne, en tout cas il existe depuis 1931, et en fait chaque marionnettiste forme le prochain marionnettiste pour reprendre la relève à chaque fois. Et alors vous faites beaucoup d'activités, beaucoup de spectacles, et ici justement au mois d'août il y en aura pas mal. Oui, il y en aura pas mal, il y en aura 4 par semaine, donc les mardis, mercredis, jeudi après-midi à 14h30 et le dimanche matin à 10h30. Et justement aujourd'hui, jeudi 4 août, il y en a un et ça porte sur Robin des Bois. Oui voilà, c'est Robin des Bois, donc c'est l'histoire classique de Robin des Bois mais un peu à la sauce liégeoise avec le héros liégeois Tchantché qui va aider Robin des Bois à battre le prince Jean. Et évidemment, il y a toujours beaucoup d'humour comme dans chaque spectacle du théâtre de marionnette liégeoise. Oui, donc c'est un spectacle en fait pour toute la famille. Oui, voilà, c'est pour les petits à partir de 5-6 ans jusqu'à 77 ans, on va dire. Et vas-y, fais-nous rêver. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire, comme spectacle qui va arriver dans la suite et qui est super sympa à voir? Quels sont les 2-3 que tu pourrais nous recommander ici sur le mois d'août? Bah, je pourrais vous recommander celui de dimanche, c'est Chevaleresse, donc ça traite de l'égalité homme-femme, mais toujours sur le ton de l'humour. Donc en fait, c'est même un sujet d'actualité que vous reprenez dans la pièce. Oui, voilà, exactement. On essaye aussi de coller un peu à l'actualité, de faire réfléchir les gens tout en les amusant. Eh bien, écoute, Anthony, très bonne nouvelle. Grâce à toi et grâce au théâtre, on va pouvoir offrir des places justement à nos auditeurs. Ça se passe sur Facebook. Vous allez dès maintenant sur la page de Summer Fun. Vous partagez le statut, vous likez la page et puis vous identifiez un ami à qui vous aimeriez y aller. Et nous, on vous envoie les places pour aller, eh bien, évidemment, voir les spectacles de marionnettes. Ça se passe à Liège et ça se passe au théâtre de la Vie Wallonne. C'est bien cela? Oui, au théâtre du musée de la Vie Wallonne. Oui. Et est-ce qu'il y a peut-être un site internet sur lequel on peut retrouver toutes les dates? Oui, tout à fait, sur le site internet viewallonne.be. Merci beaucoup Anthony, je te fais des bisous, excellente journée à toi. Merci à vous aussi. A très bientôt. Les amis, on continue à parler dans quelques secondes. Eh bien, du sujet du jour, on parle du stress. Quels sont les bons plans pour voir la vie en rose? Quels sont, eh bien, les petits conseils qu'on peut vous donner maintenant ou que vous pouvez nous aussi nous transmettre ici? On en parle juste après ça. Party all night, all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Fun Radio. This is Fun Radio. Fun Radio. Only station. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. We'll be right back. Summer Fun. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. La journée démarre ensemble sur Fun Radio, 8h53. Oh my, Oula Hoop, c'est ce qui arrive côté son dance floor. Juste avant encore, on a reçu plein de petits SMS sur la page Facebook de l'émission concernant le sujet du jour, le stress et le stress positif. Oui, il y a Lynn qui nous dit: dès que je suis stressée, je ne peux pas m'empêcher de me mordre les ongles, ça me rend malade. Ah, je crois que c'est le truc le plus courant quand on est stressé, quand même. C'est vrai, manger les ongles. Sinon, on nous a donné plein de petits conseils pour éviter de stresser, justement. Ouais. On nous dit beaucoup se reposer, il faut beaucoup dormir, bien dormir et pas attendre d'être fatigué pour aller se coucher. On nous dit d'essayer de positiver. Bon, je crois pas que c'est facile. Ah oui, non, parce que quand tu vois la vie en rose, quand tu vois le soleil toujours le lendemain et pas te dire ah, demain une nouvelle journée qui commence, eh ben, ça peut justement être positif. Ouais. Sinon, on nous dit aussi faire l'amour. Ah, je pense que ça peut aider. Ça peut aider, effectivement. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être par expérience de ne pas faire 2000 choses en même temps. Parce que quand tu te disperses, tu fais plein de trucs, après tu te perds, tu es stressé, tu t'énerves. Tandis que si on prend de l'avance et on fait les choses correctement et calmement, ça peut justement nous aider. D'autres réactions sur Facebook, peut-être? Oui, on nous dit de bien manger, que ça, c'est bon pour la santé. De pratiquer des loisirs, donc de faire des activités ou alors un sport. On nous dit aussi d'avoir un mode de vie assez sain. Eh bien, vous avez encore des réactions, des conseils à nous donner. On vous lit jusqu'à 9h. Coralie, on vous offre des places dans quelques secondes pour partir, eh bien, à Walibi. Oui, on vous envoie à Walibi pour repartir avec vos 4 entrées. Envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Vous envoyez PULSAR par SMS au 6322. 4 entrées qu'on vous offre dans quelques minutes. Alors, il est encore temps pour vous de vous inscrire. Vous avez envie d'avoir plus d'infos d'ailleurs sur Walibi. Pourquoi pas walibi.be ou encore dès maintenant sur funradio.be. Walibi, c'est l'attraction, le parc où on peut tout faire. Ah oui, c'est vraiment le parc incroyable où on peut vraiment passer une excellente journée. Madden, Golden Light, c'est ce que je vous cale maintenant. Sorfan, 8h55, bienvenue. You met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night. The golden light, in the golden light, in the golden light, in the golden light. fun to the jungle drums. But now those days are gone, and I'm dancing on in the summer sun. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life, oh. Give me one more night, and I'll hold you tight in the golden light, in the golden light, in the golden light, in the golden light. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Oh. Hey. Roller skates, thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip. Début de journée sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Fun Radio. Fun. Vous le voyez, la bonne humeur nous envahit ici sur Fun Radio ce matin. Il est 9h02, soyez les bienvenus. On commence la journée avec une bonne dose d'un flow signé Florence Valo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. À partir de septembre, toutes les stations de métro bruxellois seront équipées d'un Wi-Fi gratuit. Il est déjà accessible dans certains espaces publics. La capitale est déjà munie de 54 hotspots. L'objectif est d'en rajouter 10 à 15 par an, a annoncé la secrétaire d'État Bianca De Batz. Le salaire de 40 000 policiers belges a augmenté de 27% l'année dernière grâce à plusieurs primes. Quant aux inspecteurs de la police locale, ils ont vu leur salaire augmenter de 32%. Ces derniers représentent près de la moitié des policiers du pays. On dénombre 57 primes au sein de la police locale et 78 pour la police fédérale. La semaine dernière, les syndicats de la police avaient minimisé ces primes, exigeant des revalorisations salariales. À l'étranger, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, creuse l'écart par rapport à son concurrent républicain. L'ancienne première dame dispose d'une avance de 10 points. Elle semble profiter du bon déroulement de la convention démocratique s'étant achevée la semaine dernière. Une enquête a enregistré 49% des suffrages pour Clinton contre seulement 39% pour Trump. La recherche sur le changement climatique va être refinancée par l'Australie. Le ministre australien de l'Environnement et de la Science a demandé à l'organe de recherche scientifique de faire de la science climatique une priorité. En février dernier, 275 personnes ont été licenciées, en particulier dans le département du climat. La cause de ces licenciements sont les coupes imposées par l'ancien gouvernement. Plus léger, pour terminer avec cette bonne nouvelle qu'a annoncée une mère de famille à son fils de 7 ans. Le petit Benjamin a appris qu'il avait vaincu la leucémie dont il souffrait depuis 3 ans. La famille a souhaité partager la bonne nouvelle en la publiant sur YouTube. La réaction du petit garçon est exceptionnelle. Il a laissé exploser sa joie suite à cette annonce. La vidéo a été vue près de 700 000 fois. Fun. Fun Radio. Dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est Audrey qui débarque jusqu'à 13h avec les Major Lazer, Bob Sinclair, encore la bombe de Unique et Mercy. Juste avant, Florence, côté météo, est-ce qu'une belle journée s'annonce pour nous? Oui, un temps sec avec de larges éclaircies sur le pays, des températures stationnaires comprises entre 19 et 21 degrés. Prochain rendez-vous de l'info à 12h avec Carlo. En attendant, le son dance floor continue avec Benny Benatti et Chris Brown sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dance floor. L'été, vous le passez avec Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah, that's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yell and turn. Soyez les bienvenus, on démarre la journée ensemble sur Fun Radio 9h08. Merci d'être là, Unique. Merci, c'est ce qui arrive dans un instant. Personne n'a réagi à mon petit jeu de mots là. Merci, merci, merci d'être là. En tout cas, on commence cette journée du jeudi 4 août 2016, Coralie. Oui, et nous sommes le 217e jour de l'année, 4e jour de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Jean-Marie, Louane et Vianney. Vianney, rappelez-vous, c'était ça. On se souvient évidemment, puis des stars sont nées aussi ce jeudi 4 août. Dont Barack Obama, le président américain. Exactement, Pascal Nègre, c'est l'ancien directeur général d'Universal Music France et un animateur radio. Ainsi que Louis Vuitton. Louis Vuitton, que tu connais très bien puisque tu es une fan de mode. Bon anniversaire à eux et puis bon anniversaire à vous également si vous souhaitez votre anniversaire aujourd'hui. Coralie, on a encore 4 places à offrir à un ou à l'une d'entre vous. On va l'appeler en direct. Il s'appelle Michel et il a 26 ans. Il habite Carnon. Salut Michel. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Eh bien écoute, merci d'être avec nous ce matin en tout cas Michel. J'ai une bonne nouvelle pour toi, vu qu'on va démarrer la journée ensemble. Tu repars avec tes 4 entrées pour Walibi, bravo. Ouais. Merci, je vous remercie. 4 entrées avec lesquelles tu vas pouvoir être éclaté dans les plus grandes attractions du pays. Exactement, dont le vampire, j'adore le vampire. Je crois que c'est vraiment mon attraction préférée à Walibi. Donc en gros on est assis, on a les jambes dans le vide. Et c'est le montagne russe avec des loopings, des moments où les rails se retournent, etc. Et j'adore, et en plus de ça on peut retirer ses chaussures. C'est vrai. Alors c'est vraiment le kiff, tu fais cette attraction sans tes chaussures. On a surtout la tête à l'envers. C'est vrai. Et oui, on a aussi la tête à l'envers effectivement, parce qu'il y a plusieurs loopings dans l'attraction, c'est vraiment, c'est ma préférée. Et toi tu aimes bien la tête à l'envers Michel? Bah écoute, ça fait quand même un bail que je suis allé à Walibi. Donc le vampire, je suis pas trop, je préfère quand même le loup-garou. Et ici j'ai envie d'essayer la nouvelle attraction plus tard. Ah oui, ça sera essayé en tout cas. Je t'envoie tes places à la maison, tu restes bien en antenne. Des bisous Michel, à très bientôt. Merci à vous. Bisous. Une excellente journée. Puis Coralie, des places, il y en a encore à offrir ce soir entre 17h et 20h. Oui, dans C'est que du fun, vous pourrez aussi repartir avec vos 4 entrées pour Walibi. Vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant Pulsar par SMS au 6322. Ils feront le tirage au sort tout à l'heure. Et puis on se retrouve quant à nous demain, Coralie, parce que l'émission c'est fini. On se retrouve dès 6h sur Fun Radio avec un sujet qui nous concerne tous et toutes, et surtout nous, parce qu'on prend tous les deux les transports en commun. On parle des galères de transport. Alors ça peut très bien être avec votre voiture, mais aussi et surtout, c'est le plus drôle, avec les transports publics. Vous avez envie de réagir avec nous, de partager peut-être une anecdote que vous avez vécue, quelque chose plutôt original, ça se passe via la page Facebook de l'émission. Oui, la page Facebook Summer Fun, venez nous rejoindre, venez liker la page et nous envoyer des messages, on les lira tout au long de l'émission de demain. Et puis d'ailleurs, on a un concours à vous offrir, des places pour aller à Liège au théâtre de marionnettes. Ce sera à retrouver dans quelques minutes sur Fun Radio. D'ailleurs, sur Fun Radio, c'est Audrey qui arrive dans un instant avec le meilleur de son dance floor, les Major Lazer, c'est ce qu'elle vous cale, Bob Sinclair également. Et puis justement, c'est Unique. Excellente journée à vous sur Fun, à demain 6h. Sexy, watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them don't move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Et je slalom entre toutes.